Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pour cette première émission de l'année, où qu'on doit découvrir beaucoup de choses, hein, il s'en est accumulé des choses pendant la période des fêtes ici à C'est Fou. Donc plus tard dans l'émission, on va entendre la compilation Québec émergent 2008-2009. On a reçu un nouvel album des Risques du Plasmique, Papa, Maman, Caca. Caca. L'album pour méchants enfants des Risques du Plasmique. Il y a aussi Scott Weiland avec Happy. Et on commence avec 1000 Monarques. Oui, on a reçu un maxi de leur part. Ce maxi qui comporte trois pièces. On va entendre Mirage Matador et L'Engin de mort. Mais on commence avec l'immense Larme. Tout de suite dans le poste d'écoute à C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Le poste d'écoute. Sur l'automate, lève mon corps. Mes jambes sont molles, les flasques étouffent le moteur de cette usine de masques, étouffe ma peur. Je m'envole vers toi. C'est fou, dans mon oreille. Les trois pièces du maxi de 1000 Monarques. On vient d'entendre Mirage Matador. Avant ça, c'était L'Engin de mort. Et on a débuté avec L'Immense Larme. Oui, 1000 Monarques. Que c'est donc bon. C'est dans la même veine que Maladjub. Donc, moi, j'adore ça. Lisons sur leur site web leur description. Mettant de l'avant des ambiances romantiques, grésillantes, étranges, orgasmiques, intemporelles, familières comme de vieux rêves, inconnues comme des angoisses. Le son éclectique de 1000 Monarques se distingue par l'heureux mariage de modernisme et de nostalgie, puisant dans les technologies primitives des années 70 et 80, jusque dans l'esprit baroque, qui se vautre voluptueusement dans un coït musical ininterrompu. Ah, ils sont poétiques en plus. Mathieu Denoncourt à la basse et la voix, Annie Rousseau au clavier et voix, Mathieu Vézio à la batterie et Simon Quévillon à la guitare. Ils ont une biographie aussi sur leur site web qui dit le résultat de leur... support matériel, si on veut, donne un heureux mélange électro-organique qui naît sans rappeler le caractère instinctif du courant New Wave, tout en se fondant dans le carnaval indie-rock actuel. Souvent qualifiés de néo-romantiques, leurs textes expriment des émotions brutes et intemporelles telles que l'amour, la souffrance, l'incommunicabilité entre les êtres, le déchirement intérieur, l'esprit de courtisanerie, la mort, etc. 1000 Monarques. C'était seulement un maxi. J'ai hâte d'entendre plus de leur part. Vous pouvez entendre plusieurs de leurs pièces sur leur MySpace ou myspace.com/1000Monarques. 1000 sans S, Monarque avec un S. Évidemment, vous pouvez aller voir le site web de l'émission si ça vous intéresse. Tous les liens sont là sur lunechance.com. On passe du francophone à l'anglophone pour aller entendre la formation canadienne de Wooden Sky. Leur album s'appelle When Lost at Sea. Et tout de suite, voici The Bird Has Flown. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. À C'est Fou 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. I wanna cut off all my hair and go out walking in the cold. Cut myself new. Talk just like before. I wanna starve myself off blankets and sleep here on the floor. I got done with this bird. Stop calling me your lover and stop talking on the phone. Well, such a pretty voice just makes me miss the doubt song. So I'm gonna rip out my own heart so clearly as betrayed. My quest for being lonely, my promise all the same. Well, if I had a choice and I'm only partly sure I do, I'd gather all my things and I'd leave town and I'd leave you. Take up a residence just off the coast and drown a year or two. Oh God, don't let this be. And if the winter fell upon me, will I be outside in the snow? Not thinking about your red hat, no, not missing you at all. I lied after my bad habit, start talking in the night. If I ever thought of you, I'd say I still think I was right. Asking me for flowers and what it come for. And I do my best to tell her I ain't never been in love. Yeah, well, God, I ain't so sure. So I took to writing postcards and greetings from the coast. It's a shame you lost your address, but I'm sure by now you know. So I'll never get the chance to see your new home up in flames. Well, if I had a match, then you'd be certain that would change. All right. Poste d'écoute. Well, it

The Wooden Sky et North Dakota, précédé de The Wooden Sky, la pièce titre de leur album, la pièce titre du groupe, finalement. Et This Bird Has Flown, c'est ça qui a débuté. Donc, The Wooden Sky et leur album When Lost at Sea. C'est un groupe de indie folk rock black metal, selon leur MySpace. Ils viennent de Toronto, en Ontario. Les membres sont Gavin Gardiner, Andrew Wyatt, Simon Walker, Anissa Hart, Andrew Kekewick et Peter Kirpin. Influence Bop Bop Bop. Hein? Pourquoi pas? MySpace.com avec The Wooden Sky. Moi, j'ai beaucoup aimé cette formation. Très, très bon. Très excellent. Ça dit, tel un enfant la nuit, nouveau à la noirceur de la ville, je suis né de nouveau. J'ai été libéré pour courir dans les rues pour apprendre que finalement personne ne voulait m'inviter chez eux. Hein? C'est B. Knox qui a dit ça. C'est sur leur MySpace. C'est une citation. Hein? C'est une belle traduction, hein, n'est-ce pas? Donc, The Wooden Sky et When Lost at Sea, ça mérite un petit cœur sur le www.unechance.com, qui est l'endroit pour savoir ce que je joue dans l'émission, pour suivre les liens des sites web de tous les artistes, et aussi pour télécharger la balado de Fusion, hein, ou le podcast. C'est sur le www.unechance.com, The Wooden Sky, qui ne me laisse pas de bois, ou sec comme du bois. Ouais, bref. On repasse aux francophones pour aller entendre la compilation Québec émergent 2008-2009. Vous savez, Québec émergent qui est fait par la Soupref, là. La Soupref que je me demande toujours ce que les lettres veulent dire parce qu'ils l'écrivent, mais tout a une place bien cachée quelque part là-dedans. Bref, il y a plein d'artistes là-dessus, des groupes qu'on joue et qui sont même très bien placés dans les palmarès. Là, je vais vous lire quelques groupes et vous allez tous les reconnaître si vous écoutez les palmarès. C'est fou une fois de temps en temps et vous devriez parce que c'est moi qui anime ça. Winter Gloves, les Hand Claps, le Roi Poisson de Blue Seeds, El Motor est là-dedans. Samian, Radio, Mister Valère, Pace Play, Plants and Animals, Chinatown, Cœur de Pirate. Je pourrais continuer pendant super longtemps encore, mais je ne le ferai pas. À la place, on va aller entendre trois pièces de cet album-là, trois pièces que j'ai sélectionnées parce que je ne les connais pas. Je vais donc vous faire découvrir quelque chose de nouveau, des choses qui ne jouent pas assez fou. Donc, on va entendre Orange Orange. Il va y avoir aussi Plagiat. Et là, je parle de choses qui ne jouent pas assez fou régulièrement là, parce que ça joue à d'autres émissions de musique underground comme Respect les Dauphins, La Dernière Porte à Gauche. Mais bref, Orange Orange, Plagiat. Et on débute avec la formation Le Couleur. Voici 2 et 2. Ça se passe dans 2 minutes, 2 secondes. Non, maintenant. Genre là. Assez fou 89.1 FM, la radio campus de vos oreilles. Nouveau slogan, j'y combine. Deux de deux, deux sur la gare ensemble. Je suis de danse. poste d'écoute. Soulager, et je pleure pour l'humanité, et je pleure. dancer, and I want to walk in a brand new dimension. Keep my eyes from breaking apart. Tell me when will our story start? Je me regarde dans le miroir. Je calcule mes livres en trop. Je danse tous les vendredis soirs. Je fais l'amour en stéréo. Je m'achète une télévision. Je me couche pour un téléthon. Je compose de tristes chansons de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. Et je pleure pour l'humanité. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je pleure. Et je pleure. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Excellente compilation Québec émergent en 2008-2009, comme chaque année. Que j'aime donc ça entendre ça, cette compilation-là de la soupe. Bref, on a commencé avec la formation Le Couleur. La pièce s'appelle 2 et 2. C'est un groupe de Montréal. Ils sont au myspace.com/Le Couleur. C'est ce que j'ai aimé le plus dans les trois pièces que j'ai fait jouer. J'ai vraiment beaucoup aimé Le Couleur. Ensuite, Plagiat qu'on a entendu avec une pièce qui se nomme. Elle se nomme comment cette pièce déjà? Ah, Beautiful Explosion. Voilà. MySpace.com/Plagiat, c'est un groupe aussi de Montréal, pop progressif ambiant. Il va être en spectacle le 10 mars à 20h à Montréal avec Patrick Plou. Allez-vous voir sur leur MySpace pour en savoir plus. Et on a terminé tout ça avec Orange Orange, du Power Pop Big Beat, aussi de Montréal. Wow, j'ai bien choisi mes affaires. Et leur pièce à Orange Orange s'appelait Et je pleure. Pièce très déprimante dans ses paroles, mais très enjouée par la musique. Ça fait un beau combo ou un beau duo, comme les deux personnes de Orange Orange. Toutes les informations sont sur le www.unechance.com. Et si vous voulez en savoir plus sur la compilation Québec émergent 2008-2009, allez voir sopref.org ou myspace.com/sopref. Ça dit découvrir et partager cette compilation. Bonne écoute à tous. Il y en a une par année et je trouve ça absolument génial qu'il fasse ça, la Sopref Québec émergent 2008-2009. On termine la première heure du poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble avec Scott Weiland, Happy in Galoshes est le nom de son album. Oui, et tout de suite voici la pièce Missing Cleveland au 89.1 FM. Oh que c'est fou tout ça! Love you more than ever. Scott Weiland avec Missing Cleveland dans le poste d'écoute. C'est bien sur l'album Happy in Galoshes. Allez voir myspace.com/ScottWeiland. Son CD est en magasin en ce moment même. Il y a plein d'informations sur son site web. Je répète, myspace.com/ScottWeiland. Nous, c'est la fin de la première heure du poste d'écoute. Dans la deuxième, il va y avoir le nouveau CD Papa, Maman, Caca des résidus plasmiques. Il y a aussi Your Favorite Enemies qui va jouer et on va entendre Rodeo Scopic. Pour l'instant, on se quitte avec d'autres pièces de Scott Weiland. On va entendre Tangle With Your Mind. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi qui ont toujours 20 minutes de contenu additionnel entendront Blind Confusion. Restez avec nous! Alibis, oh. Bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps. Vous, moi, c'est Mathieu Plante. Hein? Vous, aucune idée. Donc, dans cette deuxième heure de l'émission, il va y avoir plein de bonnes choses, comme toujours, des choses très différentes, le radioscopique. Tantôt, il va aussi y avoir Your Favorite Enemies. Mais on commence avec le nouvel album des Risques du Plasmique. On en soit une fois de temps en temps, là, toujours pour des événements spéciaux. Là. On a eu un récemment pour les fêtes. Celui-là, c'est Papa, Maman, Caca, l'album pour méchants enfants des Risques du Plasmique. Tantôt, je vais vous lire une petite biographie, mais on va commencer en l'écoutant. Je pense que c'est la meilleure affaire à faire. On va entendre une bagarre dans la cour de l'école, en parenthèse, enfin, et aussi la soupe au profit. Mais on commence avec le doux réveil du délicat Poupon dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM. Peut-être un ancêtre criminel a-t-il laissé des graines de violence à ses descendants? Le dirai

on déguste la soupe au profit. Parfois il arrive dans ta part qu'on vit ses ouvriers pour une fiesta. S'il te semblera le voir fraterniser, c'est un rôle qu'il joue pour l'étuper. Yeah, yeah, yeah. Tu verras un jour, quand tu seras grand mon bébé, on ne mélange pas le peuple et les hautes classes. Ok, on s'outille bien pour mieux se protéger. On s'entoure tout partout de sécurité. Pour l'ouvrier, il y a le potage ordinaire. Pour le pauvre, il y a la soupe populaire. Mais pour les enfants bien nantis, on déguste la soupe au profit. La soupe au profit des risques du plasmique. Avant ça, c'était une bagarre dans la cour de l'école, enfin. Et le doux réveil du délicat poupon, ça vient de l'album Papa, Maman, Caca. L'album pour méchants enfants des risques du plasmique. Oh, que ça a de la classe, ça, ce type d'album-là. J'aime bien. Lisons un petit texte à l'intérieur, là, parce que M. Claude Giroux, là, qui nous envoie ces albums-là, des risques du plasmique, à tous les quelques mois, là, il y en a vraiment beaucoup par année. Il y a un petit texte qui vient avec ça. Donc, le voici. Et oui, un autre album autoproduit des résidus plasmiques pour le meilleur et pour le pire. Cette fois-ci, c'est un album pour enfants et pas n'importe quels enfants. En effet, l'album s'appelle Papa, Maman, Caca et il vise le public des méchants enfants. Oui, les méchants enfants, ceux qu'on cache dans un garde-robe au sous-sol, qu'on gave de Ritalin, qu'on a peur d'amener au réveillon de Noël ou au centre d'achat, ceux qui nous font honte avec leurs piètres résultats scolaires, leurs fugues ou leurs escapades nocturnes avec les petites voisines ou voisins. Ces méchants enfants qui font la joie des vendeurs de drogue et de couteaux. Cet album est fait pour eux. On y aborde même des thèmes à saveur économique, tellement à la mode actuellement. Il y a aussi des chansons catastrophes. Et même si cet album fait un peu anti-Annie Brocoli, il va quand même. Il y a quand même des passages éducatifs, oui, sans oublier des comptines avec des messages moraux. Pour se procurer le tout, le méchant enfant n'aura pas besoin de voler un CD dans un magasin de disques, ou encore dans une épicerie ou une pharmacie, ou de faire un méchant piratage sur Internet, car le tout est gratuit sur www.famillecg.com. Famillecg.com. Voilà donc pour les risques du plasmique et l'album Papa, Maman, Caca, l'album pour méchants enfants. On passe du côté anglophone maintenant pour aller entendre une formation qui s'appelle Your Favorite Enemies. Leur album est Love is a Promise Whispering Goodbye. Oh, ça fait, je me coupe les poignets, ça, là. Oh, je, en tout cas, on va voir. Voici tout de suite Open Your Eyes dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. C'est la radio de l'Université du Québec. À Trois-Rivières. Ouais. L'institution. Et là, on parle de caca avec les risques du plasmique. for a million souls. The town is burning and kids are proud, and that a dream has filled the coals. Night still floating to breathe the spark, a thousand lives for a million souls. The town is kneeling and future's dark, and not as keen to fill the holes. Hope's a wrinkle bruising the eyes. I miss the voice inside my head for all the flames ever whisper. I give up the noise, wish I was dead. I wish I crawled dressed up with shame. One more story. Hope's a wrinkle bruising the eyes. Night still floating to breathe the spark. A thousand lives for a million souls. The town is kneeling and future's dark. And not asking to fill the holes. Hope's a wrinkle. Prayed for death. Would you believe? Would you this believe? Is unreal, I realize. We're too young for regrets. Would you believe? Would you believe? I gave it up, hard to deny. Would you believe? Would you believe? I would have loved to feel merciful grace. Would you believe? Would you believe? Drunk from the cup, fell on my knees. Would you believe? I've with myself apologized, but we're too young for regrets. Would you believe? I gave it up, hard to deny. Would you believe? Would you believe? This is it this time, I should say I have enough. It's better to dream than live and deny. We're spoiling homely England. love to be somebody else. Would you believe, would you believe, I've cut myself and prayed for death. Would you believe, would you believe, after all the pills I realize we're too young for regrets. Would you believe, would you believe, I gave it up, hard to deny. This is it this time, I should say I have enough. It's better to dream than live and deny. But will you believe if I swear, spoiling hope in the lies. Or wait till numb to feel alive. But will you believe if I swear, Tu le crées-tu? Est-ce que tu le crées? Moi, je le crée. C'est Your Favorite Enemies et leur album Love is a Promise Whispering Goodbye. On entend la pièce Would You Believe? Restez de The Voice Inside. On a débuté avec Open Your Eyes. Quand je parlais au début de se trancher les poings, les poignets, c'est pas mal de ça exactement que ça parlait dans la pièce, donc drôle de hasard. Your Favorite Enemies, un groupe de Montréal. Allez voir myspace.com/ Your Favorite Enemies. Ils se disent alternatif rock metal. Oui, quand même. Les membres ne sont pas affichés sur le site web. Non, il y a des dates de spectacle par contre, mais ils sont en juin. Donc pour l'instant, rien à dire sur Your Favorite Enemies, autre que d'aller voir le site web myspace.com/ Your Favorite Enemies. On repasse du côté francophone pour aller entendre un album maxi d'une chose qui s'appelle Le Mieux de la Mort. Étrange. Sur la couverture, on voit quoi? Une genre de grange bizarre avec un chien devant dans la neige. C'est tout. C'est tout ce que ça dit. Moi, j'ai rien d'autre. Regardez ça. C'est tout. OK, les membres, mais ça, on en parlera tantôt. Voici donc Le Mieux de la Mort et Blanche dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou, ça! Ma vie en errance n'a plus d'importance. Et j'espère entendre ma prière. J'ai maudit la terre. Mes affaires. Je ne sais quoi en faire. fou dans vos oreilles. C'est fou dans vos oreilles. 89, 1, 1. Ah! lieu de la mort avec les chiens. Justement, c'était Living Up to You. On a débuté avec Blanche. Donc, le mieux de la mort. C'est très bon, ça. Du rock garage country de Montréal. Ici, dans le poste d'écoute. David Saint-Pierre à la voix, la guitare et la basse. Philippe Chevalier à la guitare et la basse. Emmanuel Diotte à la batterie et la voix. Et Jean-Philippe Leclerc au Moog. MySpace.com/, le mieux de la mort et leur site web. Leur mini-album est en vente à Montréal. À certains endroits, il va falloir aller voir leur MySpace si vous avez envie d'acheter le CD. Sinon, sûrement des spectacles. Il y en a un d'ailleurs le 24 janvier à 21h à Québec avec les Hellcats au bal du Lézard. Et un autre le 4 avril à Montréal. MySpace.com/, le mieux de la mort. Voilà qui est dit. On reste du côté francophone pour aller entendre quelque chose que j'ai entendu à travers les branches, là, qui va se retrouver sur le palmarès. C'est Lucien Midnight avec son album Champion des choses en bois. On va entendre les trois premières pièces de l'album, comme on le fait toujours, parce qu'on est dans un poste d'écoute, hein, où on découvre toutes les nouveautés musicales ensemble pour la première fois depuis le début de chaque CD, là, t'sais, comme dans un vrai poste d'écoute. On va entendre, parce que c'est un vrai poste d'écoute, voyons, hey, c'est pas un faux poste d'écoute quand même ici, qu'est-ce que je ferais ici sinon? On va entendre Mon Voyage, Major Tom, mais on commence avec Mouton 1, tout de suite, dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Oh, vous aimez ça, je le sais! I know it, ça. Hein? Ça, c'était de l'anglais, ça. I know it. Peux-tu apercevoir au loin le mouton imbécile avec son air d'excentrique qui a l'air de filer bien? Il y a quelque chose qui me dit qu'un jour t'espérais être comme lui. Oublier tes tracas flyés en Gaspésie. Ok, Johnny, j'arrête de dire des niaiseries. Je sais que ça fait 42 millions de fois que tout le monde me dit. Ah ouais, oublie la Celta, Celta, Celta. Tu sais comme moi que ça fait pas la passion. Quoi que c'est qu'un carré. Tu sais que ça vaut pas la peine s'en faire autant. Ça donne-tu le goût de crisser ton camp Gaspésie? Yeah. Lucien Midnight et la pièce Mon Voyage de son album Champion des choses en bois. Avant ça, c'était Major Tom. On a débuté avec la pièce Mouton 1 qui était la pièce d'intro. Major Tom, d'ailleurs, dans le livret, ça dit adaptation de Space Oddity de David Bowie, mais David ne le sait pas encore. Et là, ça dit traduction libre. Et c'était extrêmement libre comme traduction, mais j'aime bien l'univers qui a créé autour de ça. C'est un petit peu plus bizarre. Bref, très bon. Chez Lucien, Champion des choses en bois est le nom de l'album et Lucien Midnight est le nom de l'artiste. Attention aux oreilles sensibles, ce record contient 7 mots pas beaux. Easy sur la couverture. Site web pour Lucien Midnight. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que je l'ai pris en note? MySpace.com/ Lucien Midnight 2. Hein, le chiffre 2 à la fin. Je sais pas s'il y avait un autre Lucien Midnight. Bref. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. On va se quitter, nous, avec une quatrième pièce de l'album. C'est Tout Pis Tout. Et les auditeurs de la rediffusion du samedi et du mercredi, comme toujours, 20 minutes de contenu additionnel dans ces rediffusions. Et vous allez entendre la pièce Pawn You. Voilà. On se retrouve avec une troisième heure tantôt. On va entendre du rodéoscopique et plein d'autres affaires. Alors, restez sur votre banc, votre siège et... c'est ça. me gèle, on a froid, on est deux. Si désormais le bel hiver nous veut plus que du bien, je souhaite faire la tempête du réveil au petit matin. La neige jusqu'au cou, du gros sel dans tes cheveux. Je suis gelé, ils sont gelés, on est gelés, c'est pas très ambitieux. Si désormais le ciel hiver nous vaut plus que le bien, je souhaite fort de tempête me réveiller au petit matin. Jusqu'au cou du gros sel dans tes cheveux. Je te gèle, tu me gèles, on a froid, on est deux. Si désormais le bel hiver nous vaut plus que du bien, je souhaite fort la tempête du réveil au petit matin. Le poste d'écoute. L'hiver s'en vient, le soir est triste. Juste des taxis qui boudent la rue. On pourrait voir dans les oiseaux le désespoir. Allons dans un bar boire un coup qu'on croise les autoroutes. La terre est un sapin, les pieds deviennent glaciers. Pogno, pogno, le Yeti notre ami. Pogno, pogno, le Yeti lâche un cri. Un capitaine de sous-marin souffle gentil et dit comme esclave chauffeur. Ouvre donc l'œil, ne sois pas brusque. C'est plein d'écueils qui dit en russe. Le sous-marin creuve dans le fond du fleuve. Le long Yeti est recueilli. Petit pêcheur, mène ta barquette dans cette ville où qui fait frette. Pogno, pogno, le Yeti notre ami. Mais dégourdi et aussi une championne des choses en bois. Fait qu'en kayak par le Yeti. Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, il va y avoir, oh, vous n'allez pas croire la variété qu'il va y avoir. On va entendre tout à l'heure Direction avec leur album Est, ça c'est en francophone, Rodéoscopique du côté canadien. On va entendre de l'électronique avec Sound from the North, Volume 1, une compilation de Bio Bazar. Mais on commence avec Christo Numpubi qui chante Brassens en Afrique sur une idée originale de Denis Changou. Tout de suite, voici La chasse aux papillons dans le poste d'écoute. L'émission qui passe pas mal n'importe quoi dans n'importe quel ordre. C'est ce qu'ils offrent comme émission finalement. T'sais? Du Brassens, de l'électronique, puis c'est francophone, puis wow, là, minute. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson. Et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'oreille du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, mais sa robe neuve et ses vautillons. Et bras sur bras tout vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon. Et qui transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit un vrai, lui dis-je présage, c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu, il criait « Sois sage !» Il posa sa bouche en guise de baillon. Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu déboire de papillons. Un volcan dans la mer verte au village, en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage, ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, ils feront voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons. Welcome to Asico City. Allons à la chasse aux papillons. La chasse aux papillons. Allons à la chasse aux papillons. La chasse aux papillons. Golo golo golo golo golo golo aux papillons. La chasse aux papillons. Allons à la chasse aux papillons. Golo golo golo golo aux papillons. La chasse aux papillons. Allons à la chasse aux papillons. Golo golo golo golo golo aux papillons. Golo golo golo golo golo aux papillons. Aux papillons. Aux papillons. Papa papa papa papa aux papillons. La chasse aux papillons. Allons à la chasse aux papillons. La chasse aux papillons. Welcome. Le poste d'écoute. Elle est à toi, cette chanson, toi l'auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants pour les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, poilitesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, ton air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés priaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Il avait non corno de rock, ogé, ogé, tout le monde peut pas s'appeler Durand, ogé, ogé. Il avait non corno de rock, ogé, ogé, tout le monde peut pas s'appeler Durand, ogé, ogé. En le regardant avec un œil de poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète, qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête, corno de rock. Mais que le bon Dieu lui pardonne, ogé, ogé, c'était celle du robinet, ogé, ogé. Mais que le bon Dieu lui pardonne, ogé, ogé, c'était celle du robinet, ogé, ogé. On aurait pu croire en voyant pencher sur l'onde, qu'il se plongeait dans des méditations profondes, sur l'aspect fugitif des choses de ce monde, corne d'aurore. C'était hélas pour s'assurer, ogé, ogé, que le vent l'avait pas décoiffé, ogé, ogé. C'était hélas pour s'assurer, ogé, ogé, que le vent l'avait pas décoiffé, ogé, ogé. Il proclamait un son de trompe à tous les carrefours, n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité c'est une affaire de ballot, corno de rock. Il potassait à la chandelle, ogé, ogé, des traités de maintien sexuel, ogé, ogé. Déçu les femmes lui des musées, ogé, ogé, faisait bouillon de ses baisers, ogé, ogé. Et bientôt petit à petit, ok, ok, on a tout su de lui, ok, ok. On a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie pour cueillir mis aux outils à une fille, corno de rock. Qu'il avait un petit cousin, ok, ok, au placé chez les argousins, ok, ok. Et que les jours de pénurie, ok, ok, il prenait ses repas chez lui, ok, gay. C'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tomba victime d'une indigestion critique et refusa le secours de la thérapeutique. Corneau d'Europe, parce que c'était un Allemand. Ogé, ogé, qu'on devait le médicament. Ogé, ogé, parce que c'était un Allemand. Ogé, ogé, qu'on devait le médicament. Ogé, ogé. Il rendit comme il put son âme machinale et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit des funérailles nationales. Corneau d'Europe, alors sa veuve en gémissant, ogé, ogé, coucha avec son remplaçant. Ogé, ogé, alors sa veuve en gémissant, ogé, ogé, coucha avec son remplaçant. Ogé, ogé. Trois pièces de Brassens, reprises par Christo Numpuvi. L'album s'appelle Christo Numpuvi chante Brassens en Afrique. Sur l'idée originale de Denis Changou, on a entendu les pièces La chasse aux papillons, chanson pour l'Auvergnat, et ça c'était Corne d'Auroc. J'ai aucune des prononciations en passant. Georges Brassens avait un swing hors du commun, dit la biographie derrière le CD. Un swing dépouillé, un swing vrai. Quiconque s'intéresse à son répertoire s'en rend tout de suite compte. Les jazzmen ne s'y sont pas trompés. Les Africains ne pouvaient pas échapper à cet exercice incontournable. Brassens en Afrique, c'est le témoignage de la beauté du métissage culturel. En ce début de millénaire, l'heure n'est plus au sectarisme. L'homme doit redécouvrir l'univers dans lequel il vit grâce au voyage. La musique n'a ni frontières ni couleurs, de l'Afrique à l'Europe, de l'Amérique à l'Océanie. Brassens se chante et se danse avec ou sans accent. Fermez les yeux, imaginez Brassens dans un quartier de Douala, de Kinshasa, de Dakar ou de Pointe-à-Pitre et écoutez Christo l'interpréter avec ses joues pour seuls instruments. J'ai été voir sur MySpace, au myspace.com/Christo Numpuvi, et ça nous dit que c'est un artiste de folk acoustique afrobeat de Paris, France, Cameroun. Allez voir aussi christonumpubi.com ou allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. Le lien est là-dessus et c'est un petit peu plus facile que de l'épeler au complet. On passe du francophone à l'électronique pour aller entendre la compilation de Bio Bazar, la plus récente, là, ben, en fait, celle-là, c'est celle qu'on va jouer là. Elle s'appelle Sound from the North, Volume 1. Et là-dessus, il y a des artistes très variés. Là, on retrouve, pourquoi pas, TAC Digital, Néa, Full Static de AOX, Maxime Robin, System Breaker, Mitra, les Gorilles de l'espace, assez intriguant, et Tectonic Veda. Mais on va entendre les trois premières parce qu'on est dans un poste d'écoute et ça donne aussi par hasard total, sinon je les aurais peut-être choisis. C'est des groupes que j'aime bien, des gens, des choses, des affaires que j'aime bien. On va entendre tantôt Jésus Bench 400 livres avec un remix par Biobazar de la pièce L'Index. Avant ça, il va y avoir Biobazar lui-même. Mais on commence avec Future Sound of Quebec. Voici la pièce Turtabilist from Orion. Turtabilist from Orion. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble et on essaie de prononcer les choses, mais c'est pas toujours facile. Au 89 FM, c'est fou ça. Thank you. turn out that way, then I suppose I am crazy. And that kind of crazy man has no reason or excuse to leave. Restez là, au retour, on va écouter du Bio Bazar et du Jésus Bench 400 livres dans le poste d'écoute. On découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. Regarde dans un verre. Jésus Bench, 400 livres, Total Remix par Bio Bazar. C'était la pièce L'Index, la pièce que je préfère de la formation Jésus Bench 400 livres. Je l'adore, cette pièce-là, et en remix, c'est excellent. Avant ça, c'était Bio Bazar avec Ventricule Ambiant, et on a débuté avec Future Sound of Quebec avec Turcabalist from Orion. Donc, l'album s'appelle Sound from the North, Volume 1, une introduction à la musique québécoise. C'est une compilation de Bio Bazar. Si vous voulez plus d'informations, allez voir studiostereo.com, puis des sites pour Bio Bazar, il y en a plein, hein, dont MySpace.com/BioBazar et Jésus Bench 400 livres sur MySpace.com/JésusBench 400 en chiffres, livres en lettres. Allez donc voir lunechance.com, tout est là-dessus, tout est dans l'ordre étrangement là-dessus, c'est vraiment spécial. www.unechance.com. Là, on passe du côté francophone pour terminer l'émission avec la formation Direction. Oui, on s'en va en direction vers l'Est, parce que Est, c'est le nom de leur album. On va entendre à l'instant même la pièce Mémoire privée. C'est dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble. Assez fou, 89.fr. We'll be right back. Le groupe Direction avec la pièce Mémoire privée, leur album Est, ici dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble. Direction, voilà, allez voir le groupe direction.com ou passez par le www.unechance.com pour tout savoir sur eux. Il y a un beau dossier de presse et une biographie pour le groupe Direction. J'ai mentionné plus tôt dans l'émission qu'on écouterait Radioscopé, qu'on a malheureusement pas de temps, mais par contre, ça avantage le groupe Direction parce qu'on va écouter d'autres pièces d'eux, mais ça c'est seulement pour les gens qui écoutent la rediffusion du samedi et du mercredi, parce que nous, le vendredi, on doit se quitter. Et avant de se quitter, ben, ce que j'aime faire une fois de temps en temps quand je m'en rappelle, c'est de vous parler de mon poste d'or. Et cette semaine, c'est 1000 Monarques. Le maxi qu'on a reçu est absolument génial. J'ai hâte de le réentendre déjà. 1000 Monarques. Voilà. Encore une fois, site web de l'émission www.unechance.com. Là-dessus, il y a les liens vers tous les artistes qu'on a écoutés pendant l'émission. Et il y a aussi la balado-diffusion au format MP3. Passez une superbe semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi à partir de 10h, samedi à midi et mercredi à 13h. C'est Mathieu Plante qui vous dit ben, cette fin. C'est? Il y a bien des affaires que je dis dans la vie. Pas toujours très intéressantes. Je vais occuper l'univers de mystère.